La science CQFD, Natacha Triou. Le 20 avril dernier, Starship, la méga fusée d'Elon Musk, a décollé pour la première fois avant d'exploser au bout de quelques minutes. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et peut-elle révolutionner l'accès à l'espace ? Essayez encore, ratez encore, ratez mieux. Cette citation de Samuel Beckett pourrait être l'adage d'Elon Musk, le patron de SpaceX. Le milliardaire a fait la promesse d'un vaisseau 100% réutilisable. Une révolution technique car jusqu'à présent, nous n'avons jamais vu de lanceur aussi grand, aussi puissant et complètement recyclable. En attendant le prochain vol d'essai, que représente-t-il pour la conquête spatiale ? Starship, crash test, réussi. Philippe Hénard et Joss, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Maxime Puteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant au sein du cabinet Euroconsult et spécialiste du secteur spatial. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture et merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour notre live tweet avec toutes nos sources. C'est dès maintenant à Science CQFD et c'est à retrouver sur notre page sur franceculture.fr. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc des particularités techniques de Starship, si ce premier vol d'essai est un échec et s'il s'agit là d'un lanceur de niche ou d'un lanceur qui s'apprête à bouleverser l'expansion spatiale. Jeudi dernier, son décollage au départ de la base de Boca Chica au Texas se déroulait sans encombre, du moins pendant les 4 premières minutes. Depuis le Texas pour ce lancement historique, la fusée de tous les superlatifs, la plus grande, la plus puissante dans 10 secondes, SpaceX, compte qui s'apprête à lancer Starship. Yeah, Kate, right now it looks like we saw the start of the flip, but obviously we're seeing from the ground cameras the entire Starship stack continuing to rotate. We should have had separation by now. Alors, visiblement, elle a explosé, me dit-on dans une oreillette. Est-ce que vous avez des informations et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, au bout, là on voit dans une autre image l'intérieur, je pense, de SpaceX avec des techniciens qui crient hurra et voilà, qui ont l'air d'être plutôt satisfaits. Donc, la mission semble être réussie. Donc, oui, d'après ce que nous annonçait SpaceX, c'est un succès. On attendait, il y avait à peu près 50% de chances de réussite. Il y a quelques semaines, quelques mois, Elon Musk avait même fait une déclaration qui était assez amusante en disant ça va être. Soit ça va être une réussite totale et un spectacle, et soit ça va être une réussite totale. Il y a une chance sur deux et il y a une autre chance sur deux pour que ça soit simplement un extraordinaire feu d'artifice, mais quoi qu'il en soit, ça va être un beau spectacle. Un beau spectacle sous les applaudissements et les hurrahs des techniciens, Philippe Hénard-Joss, on pouvait se douter que ça se passerait comme ça, donc. Oui, on pouvait se douter que ça se passerait comme ça. Effectivement, il y avait un objectif affiché qui était quand même de faire un tour de Terre sans satellisation, c'est-à-dire sans arriver à la vitesse pour être en orbite, mais enfin un tir balistique qui permettait de faire revenir le Starship, qui est le vaisseau qui se trouve au sommet de cette fusée géante, la Super Heavy, près des îles Hawaï. Donc il y avait un objectif affiché comme ça, avec beaucoup de bémols qui avaient déjà été donnés par SpaceX et Elon Musk lui-même, dans le sens où c'était un vol d'essai, et que dans la philosophie des essais chez SpaceX, on casse de la fusée. Contrairement à la NASA ou à l'Agence Spatiale Européenne, où on essaie de faire un vol d'essai pour valider quelque chose qui serait en train de marcher. Maxime Puteau. Oui, casser pour apprendre, c'est toute la philosophie de SpaceX. Et on l'a vu dans l'histoire de Falcon 9, à chaque tentative de lancement, même lancement réussi, ils ont essayé de récupérer leurs étages avec plus ou moins de succès au début. Et en même temps, SpaceX, à travers l'échec, apprend et s'améliore pour que le lancement suivant soit plus réussi. Alors avant de parler des raisons de... Est-ce qu'il s'agit là d'un échec, d'une réussite ? Il faut d'abord faire un peu les présentations de cette fusée. C'est une fusée qui est composée de deux parties. Quelle est son anatomie, Maxime Puteau ? Starship, c'est deux éléments. C'est Super Heavy, son premier étage, qui est plus ou moins un Falcon 9 dans son architecture, mais XXL, 33 moteurs Raptor, là où le Falcon 9 n'en avait que 9, propulsé au méthane et à l'oxygène, à comparer au Falcon 9 qui était au kérosène et à l'oxygène liquide. Et la partie là vraiment qui est très intéressante, c'est son deuxième étage, le vaisseau Starship, qui cumule énormément de fonctions. C'est en même temps un deuxième étage de fusée, en même temps une coiffe de lanceur, en même temps un réservoir de carburant dans certaines versions, en même temps un vaisseau pour équipage, qui est tellement grand que c'est presque une petite station spatiale, et en même temps, dans sa version lunaire, un alunisseur. Et c'est ça qui est incroyable dans Starship, que ça s'accumule énormément de fonctions qui, jusqu'à présent, sont effectuées, et, par la, et, dans, la, et dans le cas de la concurrence, effectuées par énormément de, d'éléments matériels différents. Oui, cette capsule d'équipage, hein, c'est ce Starship qui a donné le nom à l'ensemble de la fusée Philippe Hénarijos, pour continuer les présentations. Eh bien, on pourrait parler des mensurations, parce que quand même, on peut pas les ignorer, c'est la plus grosse fusée du monde. Une fois qu'elle est sur son pas de tir, elle mesure 120 mètres de haut, avec 70 mètres pour le Super Heavy, qui est donc le premier étage avec ses 33 moteurs, et 50 mètres de longueur pour le Starship. Le tout fait 9 mètres de diamètre. Par comparaison, la fusée Saturn V, qui est la référence qui a envoyé les hommes de la NASA vers la Lune dans les années 60, Saturn V faisait 111 mètres de haut, 10 mètres de diamètre, un peu plus large à la base, mais enfin après ça se rétrécissait. Et la masse, ben la masse là, c'est du 5000 tonnes carburant compris, mais c'est essentiellement que du carburant. Si vous enlevez le carburant, il reste pas grand-chose finalement, quelques pourcents de la masse. Donc c'est un véritable monstre comme on en a jamais vu dans l'histoire de l'exploration spatiale quand même. Oui, jamais une fusée n'avait été aussi lourde. Aussi massive, aussi lourde. Oui, ben oui, 120 mètres de haut, hein, pour bien se représenter, hein, c'est quasiment la moitié de la tour Eiffel. Donc la fusée la plus haute, hein, jamais assemblée, mais aussi la plus puissante, Maxime, plutôt. Tout à fait, Starship est plus puissant que le SLS. Et en plus, se targue un jour d'être complètement réutilisable. Et c'est ça la vraie innovation, c'est qu'Elon Musk veut aller sur Mars. Il veut faire de la civilisation humaine une espèce interplanétaire. Et pour aller sur Mars et envoyer énormément de personnes, il faut avoir un lanceur très très gros, mais en plus très peu cher et donc réutilisable. Et dans le cas de Starship, complètement réutilisable. Et c'est ça la vraie innovation qui existe dans Starship. Et ça a des conséquences sur le lanceur, qui est complètement réutilisable, mais aussi sur le pas de tir, qui est des fois qualifié comme l'étage zéro du lanceur, puisque afin d'optimiser complètement le lanceur, on enlève tous les éléments qui sont inutiles pour alléger le lanceur. Et c'est le pas de tir du lanceur qui récupère, qui fait atterrir Starship et Super Heavy. Et ça, c'est incroyable. Ça nécessitera une précision incroyable de deux gros bras, ils appellent ça les chopsticks, les baguettes, qui captureront l'étage dans ses derniers mètres avant l'atterrissage et de le poser au sol. Et ça reste encore à démontrer. Philippe Hénarijos, hein, toujours sur cette puissance, elle peut transporter jusqu'à combien de tonnes de cargaison en orbite basse? Et puis pour bien aussi qu'on se rende compte, hein, actuellement, quelles sont les capacités maximum? Alors, c'est annoncé avec un maximum de 150 tonnes en orbite basse. C'est plus que n'importe quelle fusée qui a été construite, puisque je crois de mémoire, j'ai pas bien révisé, mais Saturn V c'était de l'ordre de 130 tonnes. Et c'était déjà énorme. Peut-être qu'Energia Buran faisait plus, mais ça a pas, c'est côté russe, mais ça a pas été trop développé. Donc en tout cas, en termes de masse emportée en orbite basse, c'est ce qui se fait de mieux à supposer que ça marche un jour. Oui, puis c'est censé aussi transporter jusqu'à 100 passagers, ça aussi, Maxime plutôt. Oui, il y a dans les différents usages de SpaceX, il y a évidemment le transport de personnes. Alors, dans un premier temps, le premier objectif, c'est de transporter des astronautes pour le compte de la NASA. Et au tout début de la présentation de Starship, en 2016, quand Starship ne s'appelait pas encore Starship, mais l'ITS, il y avait ce projet, en plus d'être un lanceur orbital, de projet de transport point à point pour du transport passager de masse. Projet qui, honnêtement, n'est plus une priorité, n'est plus discuté par SpaceX, tellement sa complexité nous paraît inatteignable à court terme. Oui, malgré les mensurations du Starship lui-même, 50 mètres de long, pour faire rentrer 100 personnes dedans, vu la place occupée par les réservoirs, ça paraît... c'est un gros vaisseau, mais ça paraît difficile. Moi, mes doutes sont plus sur la réactivité du système. On nous promet des vols New York-Sydney en quelques heures. Quand on voit les retards dont souffrent les lancements, je pense qu'on a encore intérêt à prendre des vols long courrier traditionnels pendant un bon moment, si on veut arriver à l'heure. Ça, il y a même des retards sur les avions. Hein. Avant de parler des calendriers, pour revenir sur ce vol inaugural, qu'est-ce qui a été testé à ce moment-là, hein? Qu'est-ce qui a été testé ce jeudi 20 avril, Maxime, plutôt? Qu'est-ce qu'on cherchait? On a cherché à démontrer un fonctionnement, c'était donc Orbital Test Flight, c'est un fonctionnement intégré, bout en bout, sans injection sur orbite, comme l'a dit Philippe. Mais donc avant tout, le fonctionnement des moteurs, 33 premier étage, tous n'ont pas fonctionné. Et puis après, la séparation des deux éléments, ça n'a pas fonctionné. Et puis aussi, on cherchait aussi à démontrer l'efficacité du bouclier thermique qui sera nécessaire pour des missions qui reviendront de l'espace. Philippe Henarijo, c'est un peu complété sur ce qui s'est passé et ce qui aurait dû se passer. Oui, alors, il y a quand même une question. Plutôt, je vais répondre par une autre question. C'est, on ne sait pas vraiment quel a été le degré de développement de SpaceX avant ce lancement. C'est-à-dire que, évidemment, les moteurs Raptor ont été testés au banc, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. Et c'est une question à laquelle il serait intéressant d'avoir la réponse, compte tenu que, dès le décollage, il y en avait trois qui ne marchaient pas. Est-ce qu'ils ont été mis en panne par le fait qu'il y avait beaucoup de vibrations acoustiques sur le pas de tir, beaucoup de morceaux de béton et de ferraille qui étaient arrachés par la poussée des moteurs et qui ont peut-être endommagé ces moteurs. Est-ce que c'est ça la cause? On ne sait pas. Ou est-ce que c'est parce que sur les moteurs Raptor, ils ont beau être fiables, ils n'ont pas encore été développés assez et ils ont un pourcentage de fiabilité qui fait que sur 33, il y en a deux ou trois qui tombent en panne dès le départ. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'était effectivement un test d'intégration totale et c'était assez osé parce que je crois qu'il n'y a pas eu de, comme on dit à la NASA, de green run test, c'est-à-dire de mise à feu sur le banc avec tous ces 33 moteurs pendant longtemps. Ils l'ont fait sur le pas de tir pendant 6-7 secondes, mais c'est loin de la répétition générale sur les 3 minutes, presque 3 minutes que devait fonctionner le Super Heavy. Donc c'est en ce sens que, à mon avis, c'était un test risqué parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus de lancer directement et on a vu quand même qu'il y avait des difficultés dès le décollage. Alors ça n'a pas sauté aux yeux, mais dès le décollage j'avais des problèmes. Oui, on a pensé qu'en fait, en testant les briques séparément, ça fonctionnerait et ça pourrait préjuger d'un lancement intégré et réussi. Bon, ça n'a pas été le cas, mais en même temps, je pense que SpaceX a appris énormément à travers ce test-là. Et puis c'est aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est vraiment deux philosophies différentes. C'est-à-dire que SpaceX dit, en gros, avec 10 Starships, vous avez le budget d'un lancement SLS. Mais sur les 10 tests lancement de Starship, bon, il y en a peut-être 5 qui vont se planter et on aura appris. Mais il y en aura quand même 5 qui ont réussi. Et dans tout ça, notre courbe d'apprentissage aura été beaucoup plus rapide et fulgurante que ce qu'on aurait pu avoir avec un lancement traditionnel type SLS. Et c'est vraiment c'est l'ADN de SpaceX, tester, échouer, apprendre et recommencer. C'est ça, parce que sur Twitter, Elon Musk a tweeté « Félicitations à toute l'équipe pour un lancement de test passionnant ». Ça, c'est pas du tout des éléments de langage, Philippe Henarijo, c'est vraiment une stratégie au sein de SpaceX. Oui, mais un peu, il y a les éléments de langage aussi quand même. C'est bon. mais il faut reconnaître que c'est déjà bien que cette fusée se soit élevée dans les airs. Elle a quitté son pas de tir. Voilà, elle a quitté son pas de tir. Et franchement, j'ai regardé les images sous différents angles. Il y a eu quand même un facteur chance dedans. C'est-à-dire que dès le décollage, on voit qu'elle a du mal à décoller. Alors peut-être que la poussée n'était pas au maximum au départ, mais et qu'elle dérive, elle part en crabe, si vous voulez. Elle ne monte pas droit. Alors certes, je sais que sur les grosses fusées, on a tendance à vouloir les faire s'écarter légèrement du pas de tir pour au cas où elle retomberait et qu'elle ne tombe pas sur le pas de tir. Mais là, ça a dépassé cette précaution-là. Et on voit que les moteurs, dont une partie sont orientables, c'est eux qui permettent à la fusée de garder sa trajectoire. Eh bien, ils compensent. Mais si cette dérive avait été du côté de la tour de lancement, il y avait collision avec la tour. Donc il y a eu un facteur chance quand même. Et l'exploit, oui, c'est que avec le niveau de développement qu'on a évoqué, cette fusée s'était dans les airs. Au bout de 29 secondes, je crois, j'ai regardé, il y a des moteurs qui crachent des flamèches et qui s'éteignent et on voit bien que ça va pas. Et puis si on regarde après, a posteriori, j'ai regardé ça, il y a des traînées de condensation qui sortent de la base du Starship, donc à peu près au milieu du lanceur, si vous voulez, quand vous regardez la fusée. Et on voit que ces traînées ne sont pas parallèles le long de la fusée, mais dérivent sur le côté. Ça veut dire que pendant toute l'ascension, la fusée vole de travers, elle vole en crabe parce que la poussée n'est pas symétrique. Donc, on a déjà vu ça sur des fusées dont j'évoquais tout à l'heure le nom, Saturn V, c'est déjà arrivé. Il y a des moteurs qui sont arrêtés d'un côté et ça compensait de l'autre. Mais là, dès le départ, ça partait en crabe. Donc, c'est oui, ils ont appris énormément parce qu'ils ont des données réelles. C'est pas sur le banc. C'est à altitude, avec la pression dynamique. Il faut reconnaître à ce lanceur, du coup, avec la trajectoire très aléatoire qui l'a suivi, qui a l'air quand même assez costaud, parce que c'est un gros assemblage, et malgré les loopings qu'il a fait à la fin, il s'est pas désintégré quand même. C'est même surprenant. C'était surprenant. Moi, je m'attendais à avoir une dislocation à partir du moment où vous aviez les moteurs qui passent devant. Vous voyez, c'est à cette vitesse-là, ça me semblait. Et il a fallu donc l'explosion, en fait, la commande d'autodestruction pour qu'elle explose. Oui, c'est qu'on a beaucoup entendu. Hein. Si déjà ça décolle, c'est un grand succès. Exactement. Oui. Bon, ça a volé jusqu'à 40 km de haut. Oui. Et en effet, le lanceur ne s'est pas disloqué de lui-même, donc ça prouve quand même la résidence dans sa structure. Voilà, ça a décollé, mais ça a explosé. Que représente donc Starship pour la suite de la conquête spatiale ? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h16 sur France Culture avec Philippe Hénarejos, Maxime Puteau. Nous parlons de Starship, le nouveau lanceur d'Elon Musk. Starship peut-il devenir le futur moyen de transport spatial polyvalent ? Alors nous venons de voir les particularités techniques de Starship. Avec ce lanceur, on cherche à ce que le lanceur soit complètement réutilisable afin d'être lancé plusieurs fois, contrairement au lanceur de la NASA, le SLS, le Space Launch System, où tout est perdu après le lancement. Celui de SpaceX promet de réutiliser tous les éléments. Ça, Maxime Puteau, qu'est-ce que ça implique d'un point de vue technologique ? Mais ça implique d'atteindre un coût marginal d'opération quasi minime, c'est-à-dire de se rapprocher finalement du modèle économique des avions, où jusqu'à présent, dans les lanceurs, tout était consommable, donc jetable, et de se rapprocher d'un système où on réutilise tout, et où les coûts d'opération ne sont uniquement le carburant ou les coûts de personnel et de maintenance. Et ça implique de simplifier les systèmes, de les rendre robustes, de limiter la maintenance, et afin de permettre les cadences que Elon Musk nous a promis. Oui, on peut imaginer, c'est comme si, après chaque traversée de l'Atlantique, on jetait des avions à la mer. Exactement. C'était l'argument d'Elon Musk de dire qu'il n'y aurait pas autant de personnes qui prendraient l'avion si on devait jeter un Boeing 747 à chaque utilisation. Philippe Hénarejos, si le premier étage est déjà réutilisable, c'est le cas, hein, ce qu'on s'est dit, hein, sur le Falcon 9, la fusée de SpaceX, pourquoi c'est plus difficile de rendre le second étage réutilisable ? Parce que le second étage, en l'occurrence le Starship, le vaisseau lui-même, si vous voulez, ou la charge utile elle-même, eh bien atteint des vitesses phénoménales, voire cette vitesse de 28 000 km à l'heure qui est nécessaire pour atteindre l'orbite et pour y rester. Eh bien, quand vous revenez de l'espace, vous êtes dans le vide, et à cette vitesse-là, bon, il y a un freinage pour descendre de l'orbite, mais ensuite, il y a un freinage qui est autrement plus dur, c'est celui qui est impliqué par l'atmosphère. On se souvient des navettes spatiales américaines qui avaient sous leur ventre, vous savez, des tuiles, un peu, ça ressemblait à une peau de lézard, c'était des tuiles thermiques qui étaient censées combattre la chaleur de cet échauffement, qui est de l'ordre de 3000 degrés environ. Donc, il faut que ce vaisseau qui n'a pas le profil aérodynamique de la navette, qui était conçu quand même pour rentrer dans l'atmosphère, qui est quand même juste une espèce de fusée de Tintin qui est cylindrique, alors qu'il y a des tuiles, est-ce qu'il va être capable de rentrer ? Il est possible que oui, mais là, par exemple, dans l'échec de ce vol-là, ça fait partie de l'échec, c'est-à-dire que ça n'a pas pu être testé, puisque le Starship n'a jamais atteint l'espace et n'a jamais tenté la rentrée atmosphérique. Alors là, il y a encore une autre étape à franchir, voilà pourquoi c'est compliqué. Oui, ça implique d'intégrer un bouclier. À l'inverse d'un premier étage qui revient à des vitesses de quelques milliers de kilomètres à l'heure, bon, ça se fait sans tuiles thermiques, sans protection thermique. Là, il faut une protection thermique. C'est ça, et pour redescendre sur Terre, il faut un bouclier thermique. Il faut des protections qui, du coup, représentent du poids, qui, du coup, impactent la masse finale de Starship. Si je prends, par exemple, les cas des satellites en orbite géostationnaire, le marché pour lequel le Falcon 9 a été conçu, le lanceur est capable de lancer des satellites d'une dizaine de tonnes. Starship, parce qu'il emmènera lui-même les satellites en orbite géostationnaire, c'est uniquement 20 tonnes. Et quand on voit la différence de taille entre Falcon 9 et Starship, on voit bien toute l'énergie qui est nécessaire pour faire monter le lanceur, mais aussi pour faire le revenir. Et en plus, ces deux, vous parlez d'atterrissage, le premier comme le deuxième étage sont prévus pour atterrir à la verticale. Exactement, oui, parce que vu que c'est un vaisseau qui doit permettre de transporter in fine des hommes sur Mars, il n'aura pas de piste d'atterrissage, donc il est son propre système d'atterrissage avec des pieds qui lui permettent de se poser à peu près n'importe où. Philippe Hénarejos ? Oui, alors on verra, ça va probablement marcher, mais ça va demander du développement. Ceci dit, il y a déjà eu des tests d'atterrissage du Starship, puisqu'il y a eu des tests en vol, hein, je veux dire. Il y a eu au moins 5 ou 6, je ne me rappelle plus exactement, c'est de cet ordre-là, 5 ou 6 décollages du Starship par ses propres moyens, pas au moyen du Super Heavy. Hein. Et il s'est élevé jusqu'à 12-13 km d'altitude et est retombé. On a vu cette séquence d'atterrissage où il se met à l'horizontale, comme s'il revenait d'un retour atmosphérique en train de planer, parce qu'il a des petites ailes quand même. Donc c'est un peu... il ne vole pas, il ne plane pas, mais enfin, c'est une descente contrôlée en quelque sorte. Et à quelques centaines de mètres du sol... les moteurs s'allument, il fait une manœuvre qui lui permet de se remettre en position verticale alors qu'il est à l'horizontale à ce moment-là, et de se poser en douceur. Ça, il l'a réussi une fois. Voilà. Et la vraie difficulté, ça sera, une fois qu'il sera opérationnel, ça sera de le faire non pas à une centaine de mètres près, ça sera de le faire au mètre près pour être capturé par les bras, les fameux bras du pas de tir, l'élément, l'étage zéro du lanceur. Mais ça, atterrir sur une infrastructure existante, c'est quand même une grosse contrainte, non ? Alors, SpaceX a appris à le faire avec Falcon 9. Hein. Ils ont maîtrisé plus de 100 atterrissages sur barge ou au sol. Mais on voit toujours que, d'ailleurs, les gens parient avant chaque lancement un peu un bingo pour savoir où est-ce qu'ils se poseront sur la barge. Là, ça nécessitera une coordination, un balai incroyable à la seconde près entre le lanceur, la tour, et qui devra ajuster ses bras pour poser le lanceur et le rendre utilisable. Oui, d'autant qu'il y a des éléments extérieurs à gérer. Alors, peut-être que ce SpaceX sera capable de le faire, mais qui sont tout simplement les conditions météorologiques. Il suffit qu'il y ait un vent de travers un peu plus fort. Il faut en tenir compte dans l'endroit où on se pose. Donc, sur la barge dont il était question à l'instant, il y a un gros rond qui est mis avec un X de SpaceX au milieu, et donc c'est le centre de la cible. Ben, on voit que ça tourne autour du centre de la cible, c'est toujours sur la barge, il n'y a pas de problème. Mais là, oui, au mètre près, ça va être plus compliqué. Genre, donc on parle de ce lanceur réutilisable à 100%, ça c'est complètement nouveau. Pour bien comprendre cette histoire-là, Maxime Puteau, je pense qu'on peut aussi faire un retour sur l'historique de ce projet. C'est un bon point pour bien comprendre les enjeux. À la base, SpaceX a été créé par Elon Musk parce qu'il souhaitait développer un système de transport sur Mars, encore une fois parce qu'il croit que l'espèce humaine doit être interplanétaire si elle veut un jour survivre. Entre guillemets, il faut une sauvegarde de l'humanité, il faut s'étendre pour éviter toute disparition de l'espèce humaine. Et du coup, tous les développements de SpaceX contribuent à cet objectif. Et même Falcon 1, Falcon 9, chez SpaceX, chaque décision qui est prise doit répondre à la question « à cela nous rapproche-t-il de Mars ou non ?» Et il y a une courbe d'apprentissage qui est assez phénoménale, et à la fois sur la courbe d'apprentissage technique, mais aussi en revenus, puisque jusqu'à présent, toute l'activité de marché, donc la vente de services de lancement, finance le développement de ces lanceurs-là. Et tout ça date de très très loin, et il reste encore énormément de difficultés sur ce chemin de devenir fournisseur de transport d'astronautes vers Mars. Et c'est en septembre 2016, hein, avec l'ITS qu'on évoquait tout à l'heure, hein, qui est annoncé au grand public lors du Congrès international d'astronautique, que vient cette idée-là qui deviendra Starship. Exactement. C'est la première fois qu'il y a eu cette présentation. En faire un lanceur pour aller sur Mars, mais aussi ailleurs, en faire un transport de passagers supersonique. Et puis, on a vu dans les différentes mises à jour, les présentations successives d'Elon Musk, une adaptation des plans. C'est-à-dire que Elon Musk a compris que tout le monde n'allait pas forcément dans cette direction, tout le monde n'a pas envie d'aller sur Mars, ni n'a les moyens d'aller sur Mars. Et les présentations successives de Starship ont rapidement mis la Lune dans le radar du Starship, reflétant le besoin d'aller récupérer l'argent où il était et d'aller récupérer des contrats de la NASA, puisque la NASA souhaite aller sur la Lune. Donc Elon Musk a adapté ses plans et Starship existera en version lunaire et a d'ailleurs gagné un contrat, le contrat HLS, Human Landing System, où pour la NASA, il posera les astronautes de la mission Artemis 3. On reviendra justement sur ce HLS, Philippe Hénarejos, pour poursuivre cette historique de Starship. Oui, alors le HLS, c'est encore autre chose. C'est une version lunaire du Starship. Donc là, il faut l'envoyer non pas en orbite pour revenir sur la Terre, il faut l'envoyer en orbite pour ensuite l'expédier autour de la Lune et sur la Lune, et puis repartir de la Lune. Donc c'est un autre voyage, et pour ça, donc il va être adapté, ce Starship, mais on a bien compris qu'une fois qu'il est arrivé en orbite terrestre, il a épuisé quand même pas mal de son carburant. Il y en reste peut-être un peu pour revenir sur Terre, mais il n'y en reste pas assez pour s'échapper à l'attraction terrestre, aller autour de la Lune et se poser sur la Lune et repartir de la Lune. Donc, les plans de SpaceX sont les suivants. On va envoyer un autre Starship qui, lui, sera en version station-service. Ce sera un super bidon, en quelque sorte, qu'on va envoyer probablement à vide, parce que lui aussi, il faut qu'il arrive à l'orbite, donc il faut qu'il se propulse. Donc quand il arrive, bah, il est un peu vide. Donc on le met à l'orbite terrestre. Et après, on a une troisième version de Starship, qui est le Starship Supertanker, rempli de, dont la charge utile, c'est du carburant, qu'il faut aller mettre dans la station de service d'abord, parce qu'on ne le remplit pas en une seule fois. Donc, on s'est estimé entre 3 et je ne sais pas combien de vols. J'avais vu jusqu'à 12 ravitaillements. Voilà, ravitaillements. 12 ravitaillements Starship pour faire le plein du Starship lunaire. Voilà, ce qui fait quand même un balai déjà assez conséquent. Et ensuite, on lance le Starship lunaire qui va s'amarrer à la station-service, qui va pomper le carburant dont il a besoin pour s'élancer vers la Lune et se poser sur la Lune. Sauf que avec ces carburants qui sont quand même à haute pression et à très basse température, pour l'instant, ça n'a jamais été testé dans l'espace, surtout le transfert de carburant et surtout des grosses masses. Donc il y a là aussi quelque chose à développer. En supposant que ça marche, le plan, c'est ensuite de mettre le Starship en orbite autour de la Lune, voire de l'amarrer à terme à la station orbitale lunaire qui s'appelle Gateway dans le cadre du programme Artemis, mais on peut s'en passer initialement, par exemple pour la mission Artemis 3 qui est toujours donnée pour décembre 2025, auquel on ne croit plus, hein, personne, enfin, voilà, bref, n'entrons pas là-dedans. Et donc, à ce moment-là, on envoie les astronautes par la SLS et puis la capsule Orion, qui vont s'amarrer au Starship. Ils rentrent à le Starship allume ses rétrofusées, se pose sur la Lune, dépose les astronautes, et puis c'est grâce au Starship qu'ils remontent à l'orbite pour revenir dans la capsule Orion et revenir sur Terre. Voilà, ça, c'est le plan idéal. Ce plan idéal. Mais en effet, la NASA a choisi SpaceX avec le Starship pour la mission Artemis. On reviendra dans quelques instants sur cette autre mission-là. Mais pour parler toujours des enjeux de SpaceX, hein, si la NASA a choisi SpaceX et son Starship, c'est pour ses coûts dérisoires. Ça aussi, comment ça s'explique des fusées si peu chères, Maxime Puteaux? Alors, la NASA a choisi SpaceX qui a soumis une offre qui était à 2,9 milliards de dollars pour un atterrissage d'équipage avec une démonstration. Et en effet, c'était bien moins cher que les concurrents. Et cette attractivité des prix, elle s'explique probablement par la structure de coût de Starship, qui est très peu chère parce qu'il y a des synergies entre le Starship lunaire et le Starship classique, mais aussi tout simplement par la structure de coût de SpaceX, où ils sont en fonctionnement, où la majorité des activités sont internalisées. J'ai eu la chance de visiter l'usine de SpaceX, où d'un côté, vous avez les feuilles d'aluminium qui rentrent, de l'autre côté, vous avez des lanceurs, et tout ça est à la chaîne, et tout ça est quasiment intégré dans un seul ou même bâtiment. Et ce contrôle des coûts, cette internalisation des activités, elle permet vraiment d'optimiser, de réduire le coût, là où jusqu'à présent, la majorité des lanceurs, en Europe ou ailleurs, sont fabriqués à différents bouts du pays, soit pour des raisons historiques, parce que les usines étaient historiquement dispersées, soit aussi pour des raisons politiques, dans le cas du SLS. La NASA dit souvent que le SLS est fabriqué dans 50 États, parce que ça permet d'avoir le soutien de 50 sénateurs. Philippe Hénarejos, oui, vous avez visité vous aussi, je vous Non, j'ai pas, okay. J'ai pas eu la chance de visiter les usines de SpaceX, ça serait intéressant, mais en gros, oui, ce sont des usines sur le modèle des usines automobiles. Là où, si on veut faire un comparatif un peu où les autres agences finalement c'est de l'artisanat, c'est plutôt l'atelier avec les moyens qui arrivent, les choses qui sont intégrées ailleurs, qu'il faut ensuite ramouter, des contrats qui sont passés avec des sous-traitants, etc. Là le fait de tout garder lui-même, chaque contrat c'est de l'argent qu'on sort avec un sous-traitant. Si vous faites tout vous-même, vous mutualisez les moyens, vous pouvez abaisser les coûts, c'est ce qu'a fait Elon Musk. Sur ce plan-là, il a quand même bousculé beaucoup l'industrie spatiale, il faut le reconnaître. Abaisser les coûts, c'est que j'ai lu que le Starship était fait en acier inoxydable, contrairement à des fusées beaucoup plus classiques, oui. Maxime. Et les personnes qui travaillent dessus sont essentiellement des gens qui travaillent sur les chantiers navals. Des soudeurs. Pour la première version de Falcon 9, il s'est adressé à des fabricants de châteaux d'eau au départ pour les réservoirs. Tout ça, ça reflète en fait l'approche de SpaceX qui est assez différente, comme l'a dit Philippe. C'est la mentalité de la Silicon Valley au niveau logiciel, c'est-à-dire on apprend, on teste, on fait des nouvelles versions. Mais aussi cette approche assez exotique d'utiliser des méthodes différentes, des matériaux différents et même des procédés différents. En effet, c'est l'automobile, c'est la production de masse. Et la preuve, c'est que dans les recrutements de SpaceX, le directeur de la production des moteurs Merlin, donc les moteurs de Falcon 9, ça a été le directeur de la production des mini chez BMW, avec la mentalité suivante, c'est-à-dire puisqu'on va produire à la chaîne, quand on produit l'automobile, on est habitué à produire des milliers de véhicules. Du coup, produire des centaines de matériels spatiaux, des moteurs, a priori, ça doit être un peu moins compliqué. Philippe Hénarejos. Oui, ben le but de Musk, c'est de faire de l'astronautique ce qu'est devenu l'aviation civile, finalement. Et là, on peut s'interroger, est-ce que c'est souhaitable? Parce que il y en a quand même beaucoup des observateurs qui se disent, mais si on lance autant de fusées... Vous savez, les Falcon 9, c'est celles qui ont le record de lancement par an. C'est des fusées qui sont lancées à plus de 100 exemplaires par an. C'est déjà à la chaîne. Et à bord de ces Falcon 9, Elon Musk a des projets pour Mars à long terme, mais il y a des projets intermédiaires qui sont, par exemple, les constellations de satellites Starlink, qui sont lancées par grappe de 60 au moins par lancement, et avec la Super Heavy, les Starlink vont prendre en masse, en taille, et cette tendance-là ne va faire que s'accélérer pour avoir des constellations de satellites qui seront à plusieurs dizaines de milliers de satellites qui vont rayer le ciel tous les soirs. Donc il y a une appropriation aussi de certaines orbites sur Terre, il y a une course au profit qu'on peut retirer de ces applications parce que il faut alimenter la machine pour le rêve du patron et d'aller sur Mars. Oui, on parle de l'entreprise privée, la plus performante du secteur spatial avec au compteur pour l'année 2022 61 lancements, Maxime Puteau. Et ce qui est important de souligner, c'est le fait que SpaceX même s'il a eu le lanceur le moins cher du marché, en 2015, il l'a rendu réutilisable au moment même où le marché pour lequel il a été conçu, c'est-à-dire les satellites géostationnaires, dégringolait. Et donc, étant déjà le mieux disant au niveau des prix, Elon Musk a décidé en fait de se diversifier. Il s'est rendu compte que même si on était le mieux disant, on n'allait pas forcément générer une demande substantielle. Il y avait assez peu d'élasticité sur le marché des lancements. Du coup, puisque le marché des lancements est saturé, il a décidé de faire autre chose, c'est-à-dire de descendre dans l'aval de la chaîne de valeur, de devenir son propre client en opérant les satellites Starlink pour le marché du haut débit par Internet par satellite, qui du coup, lui, aujourd'hui est beaucoup plus profitable et aussi beaucoup plus grand. Et cette logique de verticalisation, elle résolvait un problème tout simple, c'est-à-dire le manque de clients pour Falcon 9 en devenant son propre client. Et c'est aussi ça une des grandes innovations, une des grands changements de SpaceX, c'est à la fois être prêt à risquer des briques technologiques qui existaient de ci et là, mais que personne n'osait, et en plus devenir son propre client et presque devenir le concurrent de ses clients. Aujourd'hui, SpaceX lance des satellites de télécommunication débit qui sont concurrents de Starlink. Alors pour évolutionner l'accès à l'espace en termes techniques, Elon Musk peut y arriver, mais le chemin est encore long. Si Starship parvient un jour à décoller, quelle sera la suite? On répond à cette question après ce rock explosif. Joy Green. 16h35 sur France Culture, The Hives, tic tic boom. Car on parle d'une fusée qui fait boom, nous parlons tout au long de cette heure de Starship, le lanceur d'Elon Musk, en compagnie de nos deux invités, Maxime Puteau, consultant au sein du cabinet Euroconsult et spécialiste du secteur spatial, et Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Nous venons de voir dans un premier temps ce qu'était Starship, cette fusée réutilisable, coûtant un prix dérisoire, qui est la plus puissante de l'histoire spatiale. L'enjeu, c'est que Starship est censé devenir le vaisseau qui révolutionne l'expansion spatiale. Philippe Hénarejos, est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution ou c'est sans issue? C'est la question. on est face à, avec ce lancement, qui est symboliquement le début de l'aventure, on est au pied d'une question qui est, est-ce qu'on est en train d'assister à une révolution complète des transports spatiaux ou est-ce qu'on est en train de voir une voie qui va être sans issue? La voie sans issue, ça pourrait être, vous souvenez, dans les années 40, il y avait Howard Hughes, le milliardaire, et qui faisait des films, qui était passionné d'aviation, qui essayait de faire des avions de plus en plus gros. Il a fait un hydravion avec 8 moteurs, le H4, qui avait décollé sur quelques mètres et qui avait pas réussi à décoller. Est-ce que le Starship, c'est le H4 de Howard Hughes? Peut-être, j'en sais rien. Ou est-ce que, au contraire, c'est le premier avion de ligne, mettons le Super Constellation ou le DC-3, qui va faire qu'on passe de l'artisanat avec des avions avec une fiabilité discutable à des avions où on peut amener Monsieur Tout le Monde. On en est là aujourd'hui. J'ai pas la réponse. Parce que autant Falcon 9 s'insérait sur un marché existant et voulait et a concurrencé Ariane 5 et les autres lanceurs géostationnaires, autant Starship, c'est une nouvelle gamme de lanceurs. C'est un super lanceur avec une capacité de lancement supérieure à 30 tonnes en orbite basse. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les usages pour ce type de lanceur, c'est-à-dire 150 tonnes en orbite basse version réutilisable, 250 en version consommable, 9 mètres de diamètre, 1000 mètres cubes de volume habitable, aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment d'usage identifié. La question est de savoir si ça va déclencher des nouveaux usages. Et ça, ce sera vraiment intéressant. Starship, avant tout, il a été conçu pour Starlink deuxième génération. Starlink, donc, c'est la constellation d'Elon Musk à haut débit. Plus de 3000 satellites lancés en moins de 5 ans. SpaceX est aujourd'hui le premier opérateur d'objets en orbite. C'est pas le plus gros opérateur de satellites en termes de revenus, mais en termes d'objets, c'est le plus gros. Sauf que le réseau, il est déjà saturé. Les satellites, la performance, elle est liée à la taille. Il y a déjà des zones dans certaines régions du monde où le débit de Starlink commence à être réduit parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Donc, du coup, les débits sont sous pression, donc on réduit, l'expérience va être de moins en moins bonne. Et SpaceX a définitivement besoin de Starlink de deuxième génération. Et pour être plus puissant, il faut être plus gros. Et les Starlink de deuxième génération, ils feront 1,2 tonne. Là où la première génération a fait 300 kilos, et ils feront 7 mètres de long, le satellite tout seul, là où la version actuelle, elle en fait 5. Donc Starlink a besoin de Starship, mais Starship, pour se financer, il a désespérément besoin des revenus de Starlink. Et c'est une équation économique qui va être compliquée, parce que tout ça doit marcher en même temps. Oui, ça fait partie du coup des autres usages de Starship. C'est toute cette économie-là inhérente à SpaceX. Il y a répondre à ses propres besoins, être son propre client de lancement. Et puis après, il y a un nouveau sujet, c'est celui des usages pour des tiers, lancer des satellites. Alors, il y a déjà un premier contrat qui a été signé avec l'opérateur SkyPerfect GSAT pour lancer un satellite géostationnaire qui s'appelle Superbird 9, construit par Airbus. Mais ce satellite-là, il est de taille normale, classique. Il n'est pas optimisé pour Starship. La question est de savoir s'il y a des personnes qui vont tirer parti de ce diamètre unique, de 9 mètres. On pourrait lancer des très grosses stations spatiales en un seul morceau. Airbus a annoncé la semaine dernière un projet qui s'appelle Loop. Il y a une start-up qui s'appelle Gravitix qui veut lancer une station spatiale en un seul module de 9 mètres de diamètre, un peu comme Skylab qui a été lancé avec Saturn V. Et puis on peut faire peut-être beaucoup de choses, lancer toute une constellation une seule fois, lancer des réservoirs gigantesques, lancer des satellites beaucoup plus gros, donc du beaucoup plus puissant. Tout ça fait partie des incertitudes qui devront être précisées dans quelques années si Starship est opérationnel, parce qu'il y a quand même un futur où le projet ne pourrait ne pas marcher. Philippe Hénarejos, même si on est dans un futur avec beaucoup de si, Starship, est-ce que sur ses autres usages, est-ce que Starship pourra trouver sa place sur le marché commercial? Ben, honnêtement, là, c'est de la, prospective. Future obligée, mais il y a juste un point sur lequel je voudrais mettre le doigt, c'est que dans le monde rêvé d'Elon Musk, les fusées décollent comme des avions. Et on parle déjà de l'impact carbone de l'aviation, où les motoristes essayent quand même de réduire considérablement les émissions de CO2. On est quand même dans une situation où on a un sacré problème sur Terre. Par exemple, le Super Heavy, son vol, je crois que c'est de l'ordre de 3000 tonnes de CO2. C'est l'équivalent de... Méthane. De méthane. Oui, mais, oui, ça... c'est équivalent à des vols à 60 allers-retours Paris-Nice. C'est l'équivalent de 330 fois l'empreinte carbone d'un Français, si on prend 9 tonnes par an. Ça, c'est un vol. Si on multiplie ça... parce qu'on veut des constellations de satellites, parce qu'on veut que ça soit que l'astronautique soit l'aéronautique d'aujourd'hui. D'abord, c'est pas sûr parce qu'il faut on verra s'il y a un marché réel parce que sur l'aéronautique, il y a des destinations de l'autre côté du vol. Il y a des échanges à faire entre pays. Jusqu'à présent, dans l'espace, il n'y a pas vraiment de choses à l'exploiter. On parle de l'exploitation de la Lune ou d'astéroïdes, mais tout ça, c'est de l'ASF, on est loin. Il faudrait déjà les avoir évaluées, ces ressources-là. Elles sont difficiles à les trouver. Elles sont impossibles à ramener sur Terre. Je vais pas rentrer là-dedans. Mais si ce monde rêvé voit un jour le jour... Est-ce qu'il ne sera pas un cauchemar ? Et vous me coupez l'herbe sous pied parce que je voulais justement vous demander si on connaissait l'impact environnemental du crash test de jeudi dernier. Alors, il y a des satellites qui ont détecté des particules, donc jusqu'à 40 km d'altitude, qui a été l'altitude d'explosion. Et il est vrai que les émissions ne sont qu'une des pollutions recensées lors du crash. Hein. Ça a été une des leçons, c'est que les autorisations et les études d'impact environnemental ont, à mon avis, largement été sous-estimées. Par le régulateur américain à qui SpaceX a demandé l'autorisation. Hein. SpaceX nous a dit dans les dernières semaines, je n'attends plus que l'autorisation de la FAA, l'administration de l'aviation américaine, pour décoller. Et on se rend compte que les études d'impact, c'est-à-dire la zone dans laquelle des débris pourraient tomber, le niveau de décibels du lancement, ont été complètement sous-estimés. Et ces règles-là, elles ont pour but de protéger les populations et la sécurité, et les infrastructures, et l'environnement. Boca Chica, c'est une réserve naturelle. Tout ça s'est mal passé, puisqu'on a vu des retombées de poussière jusqu'à 10 km. Des retombées de poussière jusqu'à 10 km, et jusqu'à une ville qui s'appelle Port Isabel, qui est juste à côté, où pendant quelques heures, les habitants ont respiré cette poussière assez dense, venue du lancement et de tous les débris qu'il a généré sur un pas de tir qui était conçu de manière assez simple, on va dire, sans canal d'extraction des gaz et sans déversement d'eau pour limiter l'impact acoustique. Donc ça a été... En fait, le pas de tir, il est quand même, on ne l'a pas dit, mais il a été détruit. On peut considérer ça comme ça. Ce n'était pas spectaculaire, mais quand vous regardez les photos après le vol, sur toute la zone qui entoure le pas de tir et le pas de tir lui-même, il est à refaire. Ils ne vont pas relancer une fusée comme ça sur ce pas de tir. Il est foutu. Je ne serais plus nuancé. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. h 43 sur France Culture avec Philippe Hénard, José et Maxime Puteau. Nous parlons de Starship, le méga lanceur de Elon Musk. Alors ce n'est pas une, mais des missions qui attendent Starship, c'est ce que nous venons de voir. Mais parmi elles, il y en a une qui est particulièrement importante et qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. C'est la mission Artemis, soit le retour des êtres humains sur la Lune. Philippe Hénard-Réjos, vous consacrez un hors-série ciel et espace sur cette mission-là. On peut peut-être rappeler comment justement Starship vient s'immiscer, quelle est la place de Starship dans ce programme spatial. Ben, elle est assez simple. Pour se poser sur la Lune, il faut envoyer des humains depuis la Terre, d'abord en orbite lunaire. Ça, la NASA peut le faire par ses propres moyens, grâce à un super lanceur, le SLS, et grâce à un vaisseau qui s'appelle, c'est la capsule Orion, le vaisseau Orion, qui est capable d'emporter 4 astronautes jusqu'autour de la Lune. Mais ensuite, une fois que vous êtes autour de la Lune, il faut se poser sur la Lune. Et d'ailleurs, dans les années 60, la NASA avait conçu un vaisseau spécial pour se poser sur la Lune. C'était le LEM, le module lunaire, qui n'avait d'autre fonction que d'aller de l'orbite lunaire à la surface de la Lune et de la surface de la Lune à l'orbite lunaire pour ramener les astronautes. Eh bien, c'est exactement cette fonction-là que SpaceX va... si tout va bien, assumé pour la NASA dans le cadre du programme Artemis, puisque la NASA a renoncé à faire son propre module lunaire faute de financement dans le budget de la NASA. Le budget fédéral qui avait été voté ne dotait pas la NASA des milliards nécessaires pour le fabriquer. Et donc, la NASA a décidé de passer un appel d'offres auprès des privés. Plusieurs ont répondu, enfin il y en avait majoritairement deux, et il y en a qu'un qui a gagné, c'est Elon Musk, en disant moi j'ai quelque chose sur l'étagère qui est déjà en cours de développement, c'est le Starship, ça vous coûtera tant, ça rentrait parfaitement dans le budget, ça vous coûtera pas un dollar de plus parce que je fais le développement moi-même, ce qui avait été une clause éliminatoire pour Blue Origin et son équipe d'ailleurs, donc voilà, on a passé contrat. On en est là. Donc théoriquement, si on suit le calendrier de la NASA qui est répété à l'envi par Bill Nelson, l'administrateur de la NASA, décembre 2025, Artemis 3 prend 4 astronautes, les amène autour de la Lune, ils s'amarrent à un Starship lunaire qui les amène jusqu'à la surface de la Lune. Sauf que dans le calendrier de la NASA, dans le cahier des charges, il y a une demande particulière qui est de réaliser un alunissage, un atterrissage sur la Lune, par un Starship lunaire, sans équipage au préalable pour montrer que ça marche. Donc il va falloir faire ça, il va falloir faire ce dont je vous parlais tout à l'heure, refaire le plein en orbite, ça personne sait trop comment on fait. Donc il y a pas mal de développement à faire, ce qui fait que, pour l'instant, à mon avis, c'est que mon avis, mais la NASA a mis ça en décembre 2025, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres mois dans l'année, quoi. on peut pas reculer plus. Mais en réalité, cette date de 2025, elle n'est pas réaliste. Parce que même si SpaceX est capable de gros exploits, ils l'ont montré, ils font des choses qui marchent, on est à 2 ans de cette échéance-là, et il y a une quantité de choses à développer pour rendre un Starship lunaire assez fiable pour qu'on y mette des hommes à bord. Là, on rigole plus quand même. Mais justement, qu'est-ce qu'il faut encore développer pour y mettre des hommes à bord, Maxime Puteaux ? Il va falloir réussir les lancements, c'est-à-dire séparer les deux éléments, ce qui n'a pas eu lieu, réussir la rentrée atmosphérique, démontrer, comme l'a dit Philippe, le transfert d'ergol, et ça, et pas une seule fois, au moins 10 fois, se poser à la surface de la Lune avec une conception d'un Starship différent, puisque si SpaceX laissait les moteurs au même endroit que la Starship terrestre, le Starship lunaire probablement basculerait à la surface de la Lune. Donc ils vont être obligés de déplacer les moteurs et de les mettre plus haut pour éviter d'être noyés, de tomber dans un nuage de poussière. Ça fait beaucoup, beaucoup d'objectifs. Il va falloir certifier aussi les systèmes de support vie, puisque un équipage, ça a besoin de respirer et de manger. Donc tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup d'obstacles. Et je rejoins Philippe sur le calendrier qui me paraît extrêmement ambitieux. J'aurais plus tendance à le décaler l'alunissage à Artemis 3 vers 2028. Oui, au moins. Ouais. Pourquoi 2028, Philippe? Parce qu'il faut du temps. Je veux dire, c'est pas magique pour qu'un vaisseau soit certifié au point qu'on y mette des humains à bord. Il faut s'assurer qu'il est fiable. Il faut avoir fait un certain nombre de tests. Et vous savez, j'ai eu la chance de me balader du côté de la NASA ces derniers mois dans le cadre du programme Artemis, et j'ai demandé à tous les astronautes de la NASA que j'ai pu croiser là-bas, dont certains étaient censés faire le lien entre la NASA et ici, justement pour le développement du Starship lunaire. Je leur ai demandé, mais c'est comment à l'intérieur, vous savez comment vous allez avoir les commandes, le poste de pilotage? Personne ne sait rien. Et dans le hors-série qu'on vient de publier, mon collègue Guillaume Langin a fait une enquête pour savoir où en est le Starship lunaire. La NASA parle volontiers. C'est un peu dans sa nature de communiquer au public. Côté SpaceX, on ne sait rien. Donc, on ne sait pas où en est le niveau de développement du vaisseau. Un vaisseau, ça doit être, pour faire les choses simplement, ça doit être étanche. Il doit y avoir de l'oxygène, il doit y avoir de l'eau, il doit y avoir des moteurs pour s'orienter. Il faut peut-être des systèmes de secours, parce que on n'a pas parlé là, mais sur le Starship, d'un échec d'une manière ou d'une autre vers la Lune, comment on se sort de là? Sur les risques humains, voilà, en termes de sécurité. Le module lunaire d'Apollo, il a été testé à Apollo 10 dans la configuration à abandon de mission. C'est-à-dire, on s'approche à 15 km, on largue l'étage inférieur et on remonte. Et ça, c'était possible. Et autant le contrat HLS a pour vocation de transporter des astronautes professionnels, autant SpaceX a déjà signé des contrats pour des vols commerciaux d'astronautes autour de la Terre, avec les missions Polaris, donc le milliardaire Jared Isaacman qui a déjà fait un vol dans une capsule Dragon, la mission Inspiration 4, mais aussi pour des vols autour de la Lune, sans alunissage, donc le projet Dear Moon, avec ce milliardaire japonais, qui va emmener une dizaine d'artistes, et un deuxième vol autour de la Lune, réservé par le milliardaire Denis Tito, qui fut le premier touriste spatial à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc, ça va être très très dur de tolérer un échec, encore plus s'il devait y avoir des personnes à bord, même si c'était des astronautes commerciaux. Ça sera impossible de tolérer ce genre d'échec, à partir du moment où ce sont des passagers payants, comme vous et moi. Oui, et à ce titre-là, souvenez-vous du New Shepard. Ça, on n'est pas dans la même échelle. C'est Blue Origin qui fait des vols suborbitaux, vous savez, avec une petite fusée qui monte à 100 km d'altitude. Les gens à bord, ils peuvent être jusqu'à 7 à l'intérieur, sont en apesanteur pendant quelques minutes et ils redescendent. Sur un vol où il n'y avait personne à bord, où il n'y avait que des expériences en micro-apesanteur, il y a eu un abandon de mission pendant l'ascension, c'est-à-dire il y a une défaillance du lanceur, et donc la capsule a été éjectée par les systèmes de sécurité, mais même dans ce cas-là, les vols sont à l'arrêt, je veux dire, alors que finalement tout a fonctionné, c'est-à-dire que ce qui n'a pas marché a été contrecarré par toutes les mesures de sécurité qui étaient prévues, mais il y a quand même une enquête qui est faite, il y a un arrêt complet. Là, on est dans une échelle en termes de masse, de taille et puis potentiellement de quantité de passagers à transporter qui veut se rapprocher effectivement de l'aviation civile, mais je suis désolé, là, il va falloir des mesures de sécurité bien supérieures à ce qu'on voit pour l'instant. Starship, c'est donc la fusée la plus puissante du monde, mais aussi peut-être la plus dangereuse. Donc. Mais c'est possible, c'est possible. Il y avait une fusée qui avait pas de... Il y avait un vaisseau qui n'avait pas de système comme ça d'éjection, c'était la navette spatiale, rappelez-vous. Il y a quand même eu 14 morts. C'est-à-dire que jusque-là, même dans les missions Apollo, dans les missions Gemini, on pouvait éjecter même les missions Crew Dragon qui sont lancées par SpaceX. Il y a, de manière intégrée à la capsule, un système d'éjection d'urgence. Là, il n'y en a pas pour l'instant. En tout cas, il n'en a été fait mention nulle part par SpaceX. Donc ça, c'est quand même matière à s'inquiéter. Alors ce lanceur, choisi par la NASA pour un retour sur la Lune officiellement en 2025, plutôt 2028 pour être plus réaliste, ce lanceur vise aussi une réalité, en réalité un voyage encore plus ambitieux, c'est la conquête de Mars, Maxime Puteau. Et c'est la raison pour laquelle il utilise du méthane. Dans ses réservoirs, c'est son carburant. Dans ses moteurs Raptor. C'est un des rares lanceurs aujourd'hui qui utilise le méthane. L'argument d'Elon Musk est de dire que c'est un carburant qu'on peut synthétiser à partir de l'atmosphère martienne qui du coup nous dispense d'emporter à l'aller le carburant nécessaire pour le retour. C'est vrai, mais quelle usine va-t-il falloir construire sur Mars pour fabriquer la quantité de méthane nécessaire à faire redécoller un Starship ? J'aimerais bien qu'on ait la réponse à cette question. J'ai l'impression que c'est une grosse infrastructure et que c'est pas simplement avec un peu de chimie à bord du vaisseau qu'on va y arriver. De toute façon, à court terme, c'est un carburant qui reste, même si on ne va pas sur Mars, qui reste beaucoup plus intéressant pour la réutilisation. Là où le kérosène fait énormément de suie et encrasse les moteurs, le méthane a une combustion beaucoup plus propre et du coup nécessite une maintenance minimale. C'est très intéressant quand on veut lancer énormément. L'ambition du milliardaire est donc d'envoyer une colonie d'un millier de personnes sur la planète rouge d'ici 2060, après tout ce qu'on vient de dire. C'est pas crédible. Oui, ça fait partie du storytelling de SpaceX. Et ce storytelling, il est très américain. Et finalement, on le retrouve aussi, c'est Jeff Bezos, qui lui aussi se veut être un transporteur des activités spatiales, ayant identifié comme Elon Musk que jusqu'à présent, le frein au développement de ces activités spatiales aurait été le lancement. Parce que c'est cher, parce qu'on lance pas assez, parce que les lanceurs sont trop petits. Et du coup, pour pouvoir se développer ça, il faut être le pourvoyeur d'infrastructures. Et finalement, il faut un peu le parallèle avec le développement du chemin de fer transpacifique, hein, qui en soi, entre parenthèses, étaient des activités qui n'ont jamais gagné d'argent, mais qui ont permis le développement d'activités économiques. Et Jeff Bezos, il le dit assez clairement, il dit « Je n'aurais jamais réussi avec Amazon si j'avais dû moi-même développer Internet et aussi le réseau d'ordinateurs associés. J'ai pu me greffer sur cette infrastructure et du coup être réussir. » Et c'est ce qu'ils veulent faire. Et pour Elon Musk et Starship, les prochains vols d'essai, on ne sait pas encore. C'est tout ça, c'est encore assez flou. Mais en tout cas, merci à vous deux d'avoir été très clairs et de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On continue de rêver grâce à Étienne Klein et sa chronique « Le pourquoi du comment ». Comment la nature fabrique-t-elle sa radioactivité ? En matière de radioactivité, comme en toute chose, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Et qualifier de naturelle la radioactivité que nous rencontrons dans la nature, c'est-à-dire celle que l'homme n'a pas mise dans son environnement. Il s'agit donc d'une radioactivité qui serait telle qu'elle est, même si aucun homme n'avait jamais mis les pieds sur Terre. Cette radioactivité naturelle s'alimente de plusieurs contributions d'origine différente. Une part de la radioactivité naturelle est produite par le rayonnement cosmique. L'espace au-dessus de nos têtes est parcouru par des particules de très haute énergie en provenance du Soleil, plus rarement de notre galaxie ou même de plus loin encore. Lorsque certaines de ces particules rencontrent les atomes qui se trouvent dans la haute atmosphère terrestre, elles déclenchent toutes sortes de réactions nucléaires. Ce carambolage incessant produit au-dessus de nos têtes une sorte de pluie invisible composée de particules très rapides, des électrons, des protons, des neutrons, et puis beaucoup d'autres petits objets en on, tels des particules appelées muons ou mésons, et aussi des noyaux d'atomes. L'intensité du rayonnement cosmique varie selon la latitude. Elle est forte au pôle et faible à l'équateur, du fait de l'action du champ magnétique qui entoure la Terre. Elle varie également avec l'altitude, car plus on est haut, et moins l'atmosphère fait écran. Chaque fois que l'on grimpe de 1500 mètres, sa valeur double. Faire de l'alpinisme consiste donc à augmenter en grimpant le débit de la douche céleste que l'on reçoit. Une autre partie de la radioactivité naturelle provient au contraire du bas, c'est-à-dire de la Terre elle-même, du fait de la présence de certains éléments radioactifs contenus dans le sol et les roches, principalement le thorium-232, l'uranium-238 et, dans une moindre mesure, l'uranium-235. Ces éléments chauffent la croûte terrestre par leur radioactivité. Le potassium, largement répandu et essentiel à la vie, contribue également à la radioactivité de la Terre via l'un de ses isotopes, le potassium-40. Il faut ajouter à cela tous les descendants de ces éléments, c'est-à-dire les noyaux qui résultent de leur transmutation et qui sont eux-mêmes radioactifs. Il en existe une quarantaine au total. Une autre partie de la radioactivité naturelle vient de ce que nous buvons et de ce que nous mangeons. L'eau et les aliments contiennent des traces d'éléments radioactifs naturels que nous récupérons en partie lorsque nous les ingérons. Nos corps eux-mêmes sont radioactifs, puisqu'ils contiennent des éléments comme le potassium-40 et le carbone-14 qui le sont. D'où ces éléments proviennent-ils? Le potassium-40 est un résidu des fournaises stellaires qui ont produit la matière terrestre il y a plus de 5 milliards d'années. Chacun de nous en contient un peu, principalement situé dans les eaux. Quant au carbone-14, il est produit par des réactions nucléaires induites dans l'air par les rayons cosmiques. Ceci provoque la transmutation de l'azote en un carbone radioactif, le carbone-14, qui se présente sous forme de gaz carbonique. Celui-ci se retrouve dans nos corps par le biais des échanges qu'il a avec nous, comme avec tous les êtres vivants. Au final, il imprègne nos tissus corporels en toute petite proportion, ce qui les rend radioactifs. Pour un être humain, il contribue à 4000 désintégrations par seconde au sein de son organisme. Si on y ajoute la radioactivité due au potassium-40, cela donne un total de près de 10 000 désintégrations par seconde, pour vous comme pour moi, que nous soyons radieux ou non. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous d'être à l'écoute. Merci à toute l'équipe, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Prima Anelo, Nafi Terras, Céline Lozen, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Olivier Pétard. À la technique aujourd'hui, Grégory Wallon. Cette émission, ce podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.